إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. وقال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. لغة الحديث: كل قريب، أي محبب إلى الناس لحسن معاملته لهم، وهذا لا ينشأ غالبا إلا من الإيمان الصحيح. هين لين سهل، المقصود بهذا أو بهذه الألفاظ التواضع الليون وحسن معاملة للناس وقضاء حوائجهم. وأفاد الحديث مكانة الأخلاق وأنها منجاة من النار، وأن حسن معاملة الناس من الإيمان كما ذكر العلماء. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عظيم، ألا وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، أي ليس المؤمن الذي كمل الإيمان الواجب طعانا ولا لعانا، فليس هذا من خلقه ولا من صفته. ومن كان متخلقا بهذا الخلق فهو دليل على نقص إيمانه الواجب وضعف دينه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا الفاحش ولا البذيء، أي ليس متخلقا بهذين أو بآتين الصفتين الفحش والبذاء. المراد بالفحش ما كان في الفعال، والبذاء ما كان في المقال. فالمؤمن ليس في أفعاله فحش وليس في أقواله بذاء، فأفعاله نقية من الفحش وهو القبيح السيء من الأفعال، وأيضا أقواله نقية من البذاء وهو السيء والقبيح من القول، بعيد عن هذه أو عن هذه الخلال حذير منها. ودين الله عز وجل مبناه في التعامل بين عباد الله على النصح والرحمة، ومن يكثر من الطعن في الناس ليس ناصحا لهم، ومن يكثر من لعنهم ليس رحيما بهم. ولهذا من كان من أهل هذين الوصفين فإنه ليس أهلا يوم القيامة أن يكون شفيعا للناس أو شهيدا لهم. عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وذلك أن الناس لم يسلموا منهم في الحياة الدنيا من لعنهم وطعنهم، فلا يكونون أهلا يوم القيامة للشهادة لهم بالخير أو الشفاعة لهم عند الله عز وجل. فهذا مقام علي عظيم ليس لهؤلاء بأهل له. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الشهادة من باب الخبر والشفاعة من باب الطلب، ومن يكون كثير الطعن على الناس وهو الشهادة عليهم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فليس أهلا للشفاعة ولا للشهادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، وإنما بعثت رحمة، رواه مسلم. والله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعالمين أنه كان يدعو للكفار بالهداية والدخول في الدين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. قال ذلك في هذا المقام الذي طلب فيه الدعاء أو طلب فيه الدعاء على المشركين لاشتداد أذاهم، فهذا يفيد أن المؤمن لا يكون لعانا. وإذا تأملنا واقع الصحابة العملي وما كانوا عليه من سرعة استجابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يأمرهم به أو يحذرهم عن، نرى في ذلك عجبا من سرعة الاستجابة وكمان الانقياد. قال سالم ابن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا أي إلا إنسانا واحدا. وكان سالم يقول: قال عبد الله ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، رواه البخاري في الأدب المفرد. وتأملوا كيف أن خليل الله إبراهيم عليه السلام عندما ذكر العصاة لم يقل اللهم اخزهم، اللهم لعنهم ونحو ذلك، وإنما قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أشفق عليهم ورحمهم فدعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهو مقام جدير بالتأمل والسلوك، فهو نهج النبيين عليهم السلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قدم طفيل ابن عمر والدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل: هلك الدوس. فقيل: إن دوس عصت وأبات، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. قال ذلك طفيل وهو دوس غضبا لله حتى أو حيث بلغ الاستياء عنده مبلغا عظيما من حال قومه، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القبلة ورفع يديه كما ثبت في بعض رواية الحديث، وظن الناس أنه سيدعو عليهم لأن الذي طلب منه هو أن يدعو عليهم، فقال بعضهم: هلك الدوس، لأن دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب. فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فدعا الله لهم أن يهديهم، وقد استجاب الله دعاءه وهدى أكثرهم إلى هذا الدين. وكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه رجل وقال له: عليك السلام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض فقرة أو فلا فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا تحكرن شيئا من المعروف، وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك فيما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك علي. رواه أبو داود. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. Chaque croyant, chaque croyante, par la grâce d'Allah, chaque jour on a toujours beaucoup de choses à apprendre. Et pour se faire le rappel aujourd'hui, Allah Jalla wa Ala dans le Coran nous dit: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Il parle des croyants. Il dit, lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Et dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jal nous appelle au pardon, nous appelle à la bienfaisance, en disant que celui qui pardonne, cela est meilleur pour la piété et plus proche de la piété. Dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jal nous appelle au pardon, nous appelle à la bienfaisance, nous appelle même lorsque l'ignorant, la personne de mauvaises mœurs et de mauvais comportements s'adresse à toi avec un mauvais comportement et de mauvaises paroles, tu lui dis paix à toi. Et pour se faire le rappel aussi, il y a un immense hadith à méditer qui est rapporté par le célèbre compagnon Abdallah ibn Mas'ud. Un immense hadith. Dans ce hadith, pourquoi ce hadith il est immense? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans ce récit qu'il y a une catégorie de gens qui ont trois sifats, qui ont trois caractéristiques. Ces gens-là, le feu de l'enfer leur est interdit. Le feu de l'enfer ne les touchera pas. Et ça, c'est le témoignage et l'information de Sadiq al-Masduq, de celui qui dit la vérité, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Le prophète dit: Ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nar wa biman tahrumu alayhi an-nar. Le prophète dit: ne vais-je pas vous informer au sujet de celui dont l'enfer lui interdit, ou dont celui qui est interdit à l'enfer et dont l'enfer lui est interdit. C'est-à-dire il y a un empêchement. L'enfer ne pourra pas toucher cette personne. Alors, bien sûr, les compagnons voulaient entendre cette information et cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète de dire tahrum ala kulli qaribin. L'enfer sera interdit. L'enfer ne pourra pas toucher. Kullu qaribin. Toute personne, je vais vous le traduire littéralement, toute personne proche, hayyin, douce, de bon comportement, layyin, vraiment une personne douée de bonté, celle qui est facile à vivre. On va comprendre à travers ce récit que cette personne-là, c'est la personne qui est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu qaribin. Cette personne proche, les savants définissent celui-ci, c'est une personne qui est modeste. Il s'assoit dans les assises de bien avec les autres. C'est pas une personne qui est hautain. C'est pas une personne hautaine qui s'éloigne des autres. Mais c'est une personne qui est proche des gens. Il est modeste. Il est pieux. Hayyin. C'est une personne qui n'est pas dure, les savants dire. Al-Hayyin, c'est la personne qui n'est pas shadid. Il n'est pas rude. Il n'est pas dur. Layyin, il est doux. Wassahel, il est facile à vivre. Et donc c'est une personne qui n'est pas rancunier. Elle n'est pas rancunière, cette personne. Et comme nous dit dans un hadith à l'inverse, comme on l'avait déjà appris dans les assises précédentes, le prophète nous informe dans un immense récit que la personne la plus haïssable auprès d'Allah, c'est Al-Aladul Khasim, le grand querelleur, celui qui a beaucoup de querelles et celui qui ne lâche pas, qui veut toujours avoir le dernier mot. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Pour cela, dans un récit, il nous dit que le croyant n'est pas la reine, ou la ta'ane. Le croyant n'injure pas, le croyant n'insulte pas, le croyant ne demande pas la malédiction pour autrui. Pourquoi ? Les savants nous disent que la personne qui insulte et qui demande la malédiction pour les autres, et qui constamment est dans l'injure des autres, alors c'est une personne dont sa religiosité est faible. Il a une faible religiosité en réalité. Et il n'a pas complété ce qu'on appelle l'iman, la foi. C'est pour cela que le croyant ne peut pas se caractériser par cela, par ces deux sifats. Le fait d'injurier les autres et le fait d'être al-fahish aussi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-bavi. Al-fahish, la turpitude. Ça, c'est à travers les actes. Il ne peut pas commettre des actes mauvais, vilains. Mais aussi, il ne peut pas dire des choses. Le prophète nous dit, le croyant n'est pas une personne qui dit des choses mauvaises, qui injure, qui insulte. C'est pour cela que le croyant, comme nous dit le prophète, c'est une personne qui est facile à vivre. Une personne modeste, une personne douce. Et cet individu-là, alors, l'enfer sera interdit de toucher, d'approcher cet individu. C'est pour cela qu'il est rapporté. Un jour que Umm Darda s'adressa à Abdel Malik ibn Marwan, alors qu'il avait insulté l'un de ses servants et l'avait maudit. Alors Umm Darda lui dit, j'ai entendu Abu Darda dire la yakunu la'anuna shufa'a wa la shuhada yawm al-qiyamah. Ceux qui maudissent les autres, alors ni le jour de la résurrection ils seront des intercesseurs, ni ils seront des témoins. Observez Ibrahim alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsque son peuple lui a fait subir tous ses supplices et ses tourments. Alors regardez ce qu'il dit lorsqu'il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa man asani, il dit, et ceux qui m'ont désobéi, il demande à Allah azza wa jalla d'être miséricordieux envers eux. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être miséricordieux envers eux. Et comme cela est le comportement du croyant. Fa innaka ghafurun rahim. Et ceux qui m'ont désobéi, dit Ibrahim, tu es certes le grand pardonneur, le clément. Regardez, un jour, une délégation est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la délégation d'un clan, d'une tribu à l'époque qui s'appelait Daous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait envoyé des gens pour les appeler à la bienfaisance et aux bonnes moralités. Mais ce peuple, ce clan-là, ont refusé et ont eu un mauvais comportement et ont fait subir des choses à certaines personnes. Alors lorsqu'ils se rendèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils dirent au prophète, certes Daous ont refusé et nous ont fait subir ce qu'ils nous ont fait subir. Alors ils ont dit au messager d'Allah, invoque contre eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il est rapporté dans une autre version, il s'est levé et il s'est mis en direction de la Qibla. Et il a levé les mains. Alors tout le monde a dit à ce moment-là, Daous va périr. Pourquoi ? Parce que tout le monde savait que l'invocation du messager d'Allah, elle est mustajab. Elle est exaucée de la part du Créateur. Alors tout le monde a dit, Daous vont périr, ils sont perdus. Et là ils entendirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ô Seigneur, guide Daous et fais-les venir vers nous. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète Ibrahim al-Khalil, malgré ce qu'ils ont subi, n'a pas invoqué contre eux. C'est pour cela qu'un jour, un homme s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, que la mort soit sur toi. Alors, Aïcha, qui était en colère, alors elle a commencé à injurier cet individu par colère, lorsqu'elle a entendu l'individu dire au prophète, que la mort soit sur toi. Et là, le prophète a exhorté Aïcha d'être douce et bienfaisante. Et de dire, wa alayk, à toi. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite l'a exhorté de la sorte. C'est pour cela que un jour, un homme vit le prophète, pour terminer, vit le prophète, il lui dit, alayk as-salam. Alayk as-salam. Sur toi le salut. Fa'in alayk as-salam. Et le prophète sallam lui a dit, ça c'est le salut pour les morts. Qul assalamu alayka, mais dis plutôt que le salut soit sur toi. Qala. Alors l'homme dit au prophète sallam, est-ce que tu es le messager d'Allah? Il dit oui. Il dit, je suis le messager d'Allah qui appelle à Allah. Allah, celui que lorsqu'un mal te touche, alors il dissipe ce mal de toi. Et si tu es touché par un malheur ou une calamité, alors Allah subhanahu wa ta'ala va adoucir, te soulager de cela. Et si tu es sur une terre vaste et que tu as perdu ta monture, alors Allah te la fera retrouver. Alors l'homme a dit, fais-je un engagement avec toi? Quel est l'engagement avec toi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'engagement de n'insulter personne, de jamais insulter personne. Alors cet homme dit ensuite, je n'ai jamais après cela insulté quelqu'un, ni une personne libre, ni un esclave, ni un animal, ni une chèvre. Je n'ai jamais insulté personne. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, le mépris bien ne dévalorise rien du bien. Et lorsque tu parles à ton frère, parle-lui avec un visage radieux. Et il dit, et soulève ton vêtement, et que ton vêtement, tu le mets à mi-jambe. Et si tu peux pas le mettre à mi-mollet plutôt, alors qu'il soit au-dessus de Al-Ka'bayn, au-dessus des chevilles. Pourquoi? Parce qu'il dit cela, c'est Al-Makhila. Et Allah Azza wa Jal n'aime pas Al-Makhila. Et si une personne t'insulte et te rabaisse d'une chose qu'il connaît en toi, alors toi, ne l'insulte pas et ne le rabaisse pas par une chose que toi, tu connais en lui. Nasallahu jalla wa ala an yaghfira lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana wa ighfir li walidina, Allahumma ighfir li walidina, Allahumma ighfir li walidina, Allahumma irhamna, Allahumma irham mawtana, Allahumma irham mawtana, Allahumma ishfi mardana, Allahumma ishfi mardana, Allahumma ihdina wa ihdi bina waj'alna sababan liman ihtada, Allahumma ihdi shababana wa ihdi ummahatina wa ihdi banatina ya rabbal alamin, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.